suis tombé amoureux du soleil dès qu'il s'est jeté sur mes pieds. Collectionner les histoires douces, amères, écœurées. Balayer l'espoir de nos rêves édulcorés. Briser le miroir de nos idéaux fanés. Je ne vais pas t'en vouloir, mais laisser le train filer. Je ne vais pas te revoir, juste essayer danser. Je suis tombé amoureux des étoiles, puisqu'elles ont bien voulu briller. Pour nous deux, depuis les premiers jours, scintillantes, elles ont fini par filer. Balayer l'espoir de nos rêves édulcorés. Briser le miroir de nos idéaux fanés. Je ne vais pas t'en vouloir, mais laisser le train filer. Je ne vais pas te revoir, juste essayer d'avancer. Essayer d'avancer.